La filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a présenté dans son page internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il pour le développement de l'armée populaire et l'établissement du climat social privilégiant les affaires militaires.